Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, en écho au procès d'Abdelkader Merah, le frère aîné de Mohamed Merah, qui s'est tenu en octobre et novembre 2017 et qui s'est ouvert en appel le 25 mars dernier. Retour sur les attentats de mars 2012 à Toulouse et à Montauban. 11 jours de violence inouïe, durant lesquels 7 personnes sont assassinées en pleine rue au vu et au su de tous. 3 militaires, 3 enfants juifs et leur professeur. 11 jours qui font basculer la France dans une nouvelle ère, celle de la violence djihadiste implantée sur son sol et qui s'immisce désormais au cœur de la vie de ce pays. L'auteur de ces massacres est donc un jeune Toulousain de 23 ans, Mohamed Merah, un salafiste en croisade venu chercher dans le sang des autres et dans le sien la récompense d'Allah. La France n'avait pas connu ça depuis la vague d'attentats organisée à Paris en 95 par le groupe islamique armé. Pendant 17 ans, oui, le pays s'est cru préservé des attaques sur son sol, contrairement à l'Espagne en 2004 ou à la Grande-Bretagne en 2005. Mais l'affaire Mohamed Merah mettra fin à cette illusion. Sentiment renforcé, confirmé bien sûr, par les horreurs de l'année 2015 à Paris, puis celle de 2016 à Nice, entre autres. Aujourd'hui encore, l'affaire Mohamed Merah continue d'interroger, car des zones d'ombre persistent. Comment cet individu connu de fichiers de police passés par l'Afghanistan et le Pakistan, fichier S, a-t-il pu passer entre les mailles de la justice française? À 5 semaines de l'élection présidentielle de 2012, l'enquête a-t-elle été parasitée par des arrière-pensées politiques? Nos invités aujourd'hui, Charlotte Piret, journaliste au service enquête et justice de France Inter, et Antoine Mégy, enseignant-chercheur à l'Université de Rouen, dont les recherches portent sur les procès de ceux qui reviennent ou reviendront de Syrie. Une vraie question, un vrai enjeu pour notre justice et notre démocratie. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Opinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet et Sonia Leglen. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Toulouse, dimanche 11 mars 2012. Il est 15h50 lorsque Imad Imziaten, sous-officier du 1er régiment de train parachutiste, quitte sa chambre située au 2e étage de la caserne Pérignon. En partant, il embrasse sa petite amie, Karima. Il en a seulement pour quelques minutes. Il va vendre sa moto, une Suzuki 650 bleue, à un acheteur potentiel trouvé sur le bon coin. Ils ont rendez-vous à quelques kilomètres de là, au gymnase du château d'Ers. C'est un bel après-midi de printemps sur la ville rose avec un ciel tout bleu. Arrivé sur place, Imad rencontre un jeune homme installé au guidon d'un scooter T-Max flambant neuf. Une sorte de cavalier noir, casque intégral sur la tête et blouson de motard. Ensemble, ils se garent sur le parking désert du complexe sportif. L'homme lui demande s'il est bien militaire. Oui, depuis 10 ans, répond-il. Imad n'a pas le temps d'enlever son casque. L'homme qui lui fait face vient de sortir son arme, un Colt 45 de calibre 11-43. Il le pointe dans sa direction et lui ordonne de se mettre à terre. Le militaire, surpris, sceptique probablement, regarde fixement son agresseur dans les yeux. « Je me mettrai pas à plat ventre. Tu vas tirer ? Bah vas-y, tire !» Alors, un coup de feu retentit. La balle traverse le casque. Imad s'écroule. Le tueur s'approche de sa victime et tire une deuxième fois, à bout portant. Puis, calmement, il ramasse ses douilles, ses cartouches. Et revient sur ses pas. Imad Ibn Ziaten est la première victime de celui que tout le monde surnommera bientôt le tueur au scooter. Pour l'heure, le meurtre du parachutiste intéresse surtout la presse locale. Le portrait y est flatteur et pour cause. La victime, âgée de 30 ans, était un homme sans histoire, inconnu des services de police, comme on dit. Un grand gaillard sportif et volontaire, très bien noté par sa hiérarchie. D'origine marocaine, ce musulman pratiquant ne fume pas, ne se drogue pas. Le seul péché qu'on lui connaît, ce sont les femmes. Un grand séducteur, dit-on. Alors, on cherche à comprendre les raisons d'un tel meurtre. Trafic de stupes, règlement de compte, crime antimilitariste. Non, Imad n'était pas en tenue ce jour-là. Dans la dépêche du midi, on imagine alors un vol qui aurait mal tourné ou une affaire de cœur. Autrement dit, on ne sait rien. Quatre jours plus tard, le 15 mars 2012, une nouvelle fusillade éclate à Montauban, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Toulouse. Une fois de plus, ce sont des parachutistes français qui sont visés. Et là, l'affaire prend de l'ampleur. Bonjour, des soldats abattus en pleine rue, qui en veut aux paras français. Trois tués en moins d'une semaine, deux hier à Montauban, un autre à Toulouse dimanche dernier. Trois militaires tués par balle dans une rue de Montauban par un tireur casqué venu et reparti en scooter. Aucune explication pour l'instant. En France, deux militaires ont été tués hier en fin de journée dans un quartier de Montauban. Un troisième a été grièvement blessé. Son pronostic vital est engagé. D'après les premiers éléments de l'enquête, un tireur a ouvert le feu sur les victimes alors qu'il était en scooter. L'homme a réussi à prendre la fuite. Peu après 14h, ce jeudi 15 mars, les caporaux Albel Chenouf, Mohamed Logouad et Loïc Libert quittent la caserne du 17e régiment de génie parachutiste par l'entrée principale. Ils se dirigent vers la zone technique, à 400 mètres de là. En chemin, Mohamed Logouad demande à ses camarades de l'attendre, le temps de retirer de l'argent au distributeur. À côté, sur le parking du mini-centre commercial, le tueur gare son scooter et avance d'un pas décidé. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, il vide son chargeur, 17 douilles retrouvées, pas de balles perdues. Abel Chenouf, 25 ans, et Mohamed Logouad, 24 ans, sont tués sur le coup d'une balle dans la tête. Loïc Libert, 28 ans, est grièvement blessé. Il restera tétraplégique. La rue du 1er bataillon de choc se transforme en scène de cauchemar. Les passants, médusés, assistent impuissants à cette exécution sur la place publique. J'avais mon véhicule, là, je me suis garée devant le distributeur et ils étaient tous les trois là, ils attendaient pour lever de l'argent. Bon, j'ai dit, c'est bon, j'attends pas. On a entendu une déflagration, j'ai dit à Carole, qu'est-ce qui se passe? T'as encore vendu des pétards à des jeunes? Nous, on a pensé ça. Et un jeune qui arrivait, un livreur, livide, il me dit, madame, ne sortez pas, planquez-vous. Il y a un fou qui tue tous les militaires dehors. Donc on était pris de panique. Moi, je me suis cachée derrière une console de magazine. Et là, on a vu, moi, je revois son bras tendu, les flammes qui sortaient du pétard. Et le dernier, le pauvre, là, il nous a regardé à travers le carreau. Et c'était affreux, affreux. Le tueur au scooter s'est volatilisé. Sur les vidéos de surveillance du tabac et de la pâtisserie qui jouxte la banque, un détail macabre saute aux yeux. L'homme porte une caméra GoPro sanglée sur le torse. Ce petit boîtier anti-choc léger et maniable est l'accessoire du moment, un phénomène chez les jeunes et les adeptes de sports extrêmes. Mais elle est aussi une arme redoutable au service de la propagande djihadiste qui sévit sur Internet. La portée de cet acte est si forte que l'armée ne cache pas son trouble. Le dispositif mis en place est à la mesure du choc. Plus de 2000 hommes des forces de sécurité sont mobilisés, du jamais vu en France. À Paris, c'est la panique. Le soir même de la tuerie, le ministre de la Défense, Gérard Longuet, est dépêché sur place. Il tente de rassurer les militaires et reste prudent face au micro des journalistes. Car pour l'heure, rien ne montre, avec certitude en tout cas, un lien entre le meurtre du 11 mars à Toulouse et la tuerie de Montauban. Très vite, pourtant, le rapprochement est fait. C'est bien un seul et même homme qui a tué Imad Imzaiten, Abel Chenouf et Mohamed Logouad. À 4 jours d'intervalle, ce sont des militaires qui ont été visés, tués avec la même arme, un 11-43, le 11, comme on dit dans le milieu. Quant au tueur, c'est le même profil pour les deux attentats. Un jeune homme vêtu de noir au guidon d'un scooter de gros cylindrée. Mais l'enquête s'annonce difficile. La terreur n'est pour l'instant qu'une silhouette sombre cachée sous un casque intégral. Et il ne laisse aucune trace derrière lui, ni ADN, ni plaque d'immatriculation. Il connaît bien les lieux, choisit des chemins de traverse et évite les barrages policiers. Un crime presque parfait. On s'interroge alors sur les motivations de l'assassin. Est-ce le geste d'un déséquilibré, d'un bandit ou d'un terroriste? Avons-nous affaire à un tueur en série? La thèse du crime raciste également est avancée. Les trois militaires qui ont été tués, effectivement, sont d'origine maghrébine. Le quatrième est guadeloupéen. Alors, le procureur de la République, Michel Vallet, reste vague. Les enquêteurs n'écartent aucune piste, n'en privilégient aucune. Et par conséquent, il y a un très très gros travail d'investigation qui est entrepris justement parce que toutes les pistes restent possibles. Au stade où nous en sommes, il n'est pas possible de dire que c'est l'institution militaire qui est visée. On a 4 militaires qui ont été victimes dans ces 2 affaires. Est-ce qu'on doit en tirer la conclusion que l'institution militaire est visée ? Impossible à l'heure qu'il est de tirer cette conclusion. Et c'est une course contre la montre qui commence pour la police judiciaire de Toulouse et pour les agents de la DCRI, la Direction Centrale du Renseignement Intérieur, installée à Levallois-Perret. L'enquête se concentre sur deux pistes. Celle du scooter d'abord. Ce modèle de T-Max est un modèle très récent, sorti d'usine il y a 3 mois. En mars, dans la région, seulement 72 véhicules de ce type sont en circulation et un seul est déclaré volé. À Toulouse, 6 jours avant le premier meurtre. L'étau se resserre, mais en vain, car le signal qui sert à le géolocaliser est introuvable. Les enquêteurs décident alors de remonter la piste du premier meurtre, pensant assez logiquement que la première affaire éclairera la seconde. 576 adresses IP sont connectées à la petite annonce postée par Imad pour vendre sa moto, et parmi les réponses, il y a celle du tueur, forcément. La police lance alors des centaines de réquisitions judiciaires à tous les opérateurs Internet pour mettre un nom derrière ces chiffres. La tâche est titanesque et la lenteur de la machine administrative n'arrange rien. De son côté, à Toulouse, le patron de la Direction régionale du renseignement intérieur, Christian Ballet-Enduit, fait part de son intuition, celle d'une piste djihadiste. Il souligne entre autres que le régiment de Montauban revenait de mission en Afghanistan. Christian Ballet-Enduit a une bonne connaissance des milieux salafistes toulousains, la mouvance la plus rigoriste de l'islam, et il fournit une liste de 6 suspects potentiels. Mais à Levallois-Perret, au siège de la DCRI, on privilégie la piste de l'ultra-droite, presque plus rassurante. Le document est donc mis de côté, circulé. Et pourtant, le nom du tueur apparaissait dans cette liste. C'est finalement un policier qui trouve la solution. Il alerte ses collègues sur le fait que certaines personnes ont accédé à l'annonce d'Imad au moyen du mot-clé militaire. Le jeune para l'avait précisé dans la petite annonce. Ainsi, dans la nuit du 17 mars, après 2 jours de recoupement, 9 connexions sont identifiées. Parmi elles, il y a l'adresse IP de Zulika Ziri, mère d'Abdelkader et Mohamed Merra, petit délinquant notoire, passé par la casse-prison et proche de la mouvance salafiste. Ces noms sont aussi cités par un concessionnaire situé à 2 pas de l'endroit où a été volé le scooter. Quelques jours auparavant, les frères Merra sont venus lui demander comment désactiver le traceur GPS intégré sur le T-Max. Mais les enquêteurs mettent une journée supplémentaire à comprendre le lien. Le dimanche 18 mars au soir, Mohamed et Abdelkader sont activement recherchés, mais il est déjà trop tard. Ce lundi 19 mars 2012, comme tous les matins, Jonathan Sandler se rend au collège aux Arts à Torah, où il enseigne le judaïsme. Devant le grand portail vert de l'établissement, sous un ciel gris, il patiente avec ses 2 fils, Arié, 5 ans, et Gabriel, 4 ans. Une amie doit venir les rechercher pour les conduire à l'école primaire. À quelques mètres de là, Mohamed Berra remonte à toute allure la rue Jules Dallou sur son scooter fraîchement repeint en blanc. Dès 5 heures ce matin-là, il s'est rendu au domicile d'un militaire, sa prochaine cible. Comme pour chacun de ses meurtres, il a fait de minutieux repérages. Il sait que pour sortir de sa résidence, le militaire patiente toujours quelques secondes, le temps que le portail s'ouvre. C'est à ce moment-là qu'il l'abattra, une balle à travers le pare-brise. Mais aujourd'hui, la cible ouvre la grille à distance et sort trop vite, quand on dit que la vie tient parfois à un fil. Pour rentrer chez lui, Mohamed Merra passe donc par la rue Jules Dallou. Au numéro 33 se trouve l'école confessionnelle juive aux Arts à Torah. Il ralentit, observe la scène. Il est 8h du matin. Les parents bavardent au milieu des élèves qui arrivent les uns après les autres. Puis c'est l'horreur, en quelques secondes. Merra descend de son scooter, sa GoPro autour du cou. Dans une main, il tient un pistolet mitrailleur de type mini Uzi, une arme de fabrication israélienne. De l'autre, son 11-43. Il traverse la rue d'un pas décidé, puis ouvre le feu. Un premier adolescent est touché, Brian Bijaoui, 15 ans. Grièvement blessé, il parvient à s'enfuir vers l'intérieur de l'école. Puis le pistolet de Merra s'enraye. Il dégaine alors sa 2e arme et tue à bout portant Jonathan Sandler et ses 2 fils, Arié et Gabriel. Les élèves se dispersent en hurlant. Le monstre se lance à leur poursuite. Dans la cour de récréation, Myriam Monsogueno, 8 ans, trébuche. Il se penche vers elle et lui tire une balle dans la tête. Calmement, il ressort de l'école, tire 2 derniers coups de feu sur les corps agonisants de Jonathan et de ses enfants. Il redémarre son scooter et s'évapore. Il est 8h05. La scène a duré 20 secondes à peine, 20 secondes interminables, insupportables. Au milieu des corps sans vie, les survivants errent dans la cour d'école, le visage blanc, pétrifié par l'horreur. Très vite, les premiers secours arrivent, suivis par la police. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, se rend immédiatement sur place. En ce lundi matin, Mohamed Merah vient de provoquer une déflagration nationale. C'est un drame, c'est une tragédie. Tout doit être mis en œuvre pour que le tueur soit arrêté. Nous ne devons pas céder face à la terreur. Et bien sûr, nos pensées vont à ces familles brisées, à cette mère qui, en ce moment même, a perdu deux de ses enfants et son mari, la même journée. À ce directeur d'école qui a vu mourir sa petite fille sous ses yeux. La barbarie, la sauvagerie, la cruauté ne peuvent pas gagner. La haine ne peut pas gagner. La République est beaucoup plus forte que tout cela. Beaucoup plus forte. À 11h, dans toutes les écoles de France, on observe une minute de silence. Dans la communauté juive, l'émotion est immense. Aujourd'hui, en France, des enfants ont été abattus parce qu'ils étaient juifs. Pour retrouver au plus vite le coupable, le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, décide de rester sur place aussi longtemps qu'il le faudra. À 5 semaines de la présidentielle, la campagne est interrompue. Toute la classe politique est solidaire. Bientôt, pourtant, l'unité nationale laissera place aux polémiques. Mais pour l'heure, c'est la chasse à l'homme qui commence. De son côté, après avoir planqué son scooter dans un box de location, Mohamed Merah est rentré chez lui au 17 rue du Sergent Vigné, dans le quartier de la Côte Pavée, à l'est de Toulouse. Mais qui est ce jeune Français de 23 ans devenu ennemi public numéro 1? Comment ce petit délinquant, décrit comme poli et attachant, a-t-il pu devenir ce tueur froid et sanguinaire? Comment a-t-il pu tuer des enfants? Oh, regardez ça, au taquet. Ça ne t'intéresse. Sur cette vidéo filmée au téléphone portable, Mohamed Merah a 18 ans. Au volant d'une BMW grise, il joue au cow-boy, enchaîné des dérapages contrôlés ou pas. La musique à fond. C'est ainsi que 3 jours après le carnage d'Ozeratora, la France découvre le visage du tueur au scooter. Un gamin aux yeux rieurs et au large sourire. Un jeune comme on peut en croiser partout. On ne naît pas Mohamed Merah, on le devient. Retour sur une dérive meurtrière. Mohamed Merah naît à Toulouse en octobre 1988. Il grandit dans le quartier des Isards, au nord de la ville, au lieu du trafic en tout genre. Sa mère, Zoulika, arrivée d'Algérie, élève presque seule ses 5 enfants, 3 garçons, 2 filles. Dans le foyer éclaté, la violence est quotidienne. Un père brutal quand il n'est pas absent, une mère dépassée et un grand frère, Abdelkader, de 6 ans, son aîné. Abdelkader, c'est la figure masculine de référence pour Mohamed, un modèle délétère, ultra-violent, obsédé par la mort. Abdelkader fait régner la terreur dans sa famille et en bas des immeubles. Il jouera un rôle très important dans la radicalisation de Mohamed. En attendant, le petit frère est placé en foyer, il a 9 ans. Sa scolarité est chaotique, il est exclu de tous les collèges pour bagarres, menaces de mort et dégradations. À 15 ans, plus aucun établissement de la région ne veut de lui. De foyer d'urgence en garde à vue, l'adolescence de Merah est un cercle vicieux, une interminable série d'affrontements avec les autorités et les éducateurs qu'il juge tous coupables de s'opposer à sa volonté. En tout, il sera condamné 15 fois par le tribunal pour enfants. Et c'est en prison que tout bascule, comme souvent. Devenu majeur, il entre à la prison de Seyss en 2007 pour un vol de sac à main. Il reste 18 mois dans cette école du crime. C'est là que sa radicalisation incube. Dépressif, suicidaire, il trouve refuge dans le Coran, comme en témoigne Alain Pénin, son psychiatre en prison. À cette période de sa vie, après avoir été un petit délinquant, après avoir été un transgresseur, et il se repliait un petit peu sur lui-même, il se mettait à radicaliser un peu ses convictions religieuses, et il se mettait surtout à lire le Coran, et ce, de façon très assidue. Il y a eu une mise en garde, puisqu'elle est contenue dans les termes de mon rapport, car ce garçon justifie d'abord d'un suivi psychiatrique compte tenu de son état dépressif au moment de l'examen, mais également de mesures d'encadrement et de mesures de surveillance et un suivi éducatif, faute de quoi je réservais personnellement le pronostic évolutif. C'est écrit dans mes travaux. En réalité, sa radicalisation a commencé avant. En 2006, Merah est déjà fiché S, c'est-à-dire jugé susceptible de porter atteinte à la sûreté de l'État en raison de ses liens avec le milieu salafiste toulousain. Parmi ces liens, Sabri Essid, son demi-frère par alliance, Abdelkader, son grand frère, et Swad, sa sœur. Alors, quand il sort de prison en octobre 2009, Mohamed n'a qu'une seule idée en tête, rejoindre Al-Qaïda. Une quête obsessionnelle qui le mène en Algérie, puis au Moyen-Orient. En moins de 6 mois, il traverse 14 pays dont la Syrie, l'Irak, l'Égypte et même Israël. À peine revenu en octobre 2010, il repart pour l'Afghanistan, direction Kandahar, capitale des talibans, l'une des villes les plus dangereuses du monde. Son plan, se faire kidnapper et se faire reconnaître par ses frères. Mais à son arrivée, un contrôle de l'armée américaine met fin à ses aventures. Alors il rentre en France. Un mois plus tard, la DCRI, alertée par son antenne afghane, met en place des surveillances à répétition. Mais Mohamed Merah se fait tout petit. Il suit à la lettre le manuel du parfait djihadiste. Ne pas éveiller les soupçons, ne pas se faire remarquer bêtement par une longue barbe ou un comportement atypique. C'est le concept de la taqiyya, emprunté à la tradition chiite et qui prône la dissimulation. Bref, se fondre dans le paysage pour mieux servir la cause. Ce double jeu n'a qu'un seul but pour Merah, préparer sans entrave son grand départ. Son djihad, il le fera au Pakistan, au cœur des zones tribales. En août 2011, il s'envole pour Islamabad. Le salafiste toulousain, revenu d'Afghanistan, surveillé et fiché S, passe sans problème les contrôles de passeport. Les autorités se justifieront en disant que son billet était pour Oman, oui. Sauf que les policiers n'ont pas pris la peine de regarder l'itinéraire complet. Ainsi, son long apprentissage de la violence et de la haine s'achève au camp d'entraînement djihadiste du War Résistant à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan. Après 5 semaines d'entraînement, il rentre chez lui aux Isards, à Toulouse, le 19 octobre 2011. Le petit gamin des cités se fait désormais appeler Youssouf. Il est devenu un guerrier du califat, rêvant de mettre la France à genoux. Une bombe à retardement qui explose 4 mois plus tard. Toulouse, mercredi 21 mars 2012. Alors que le quartier de la Côte Pavée dort paisiblement, des silhouettes sombres, encagoulées, avancent le pas prudent vers le 17 de la rue Sergent-Vignier. C'est là qu'habite Mohamed Merah. Il est 3 heures du matin. L'ordre vient d'être donné de lancer l'assaut. On ne sait pas ce qui se passe. Il y a des bruits, des bruits de coups de feu, des bruits de monsieur qui lui parle. Et il ne veut pas se rendre maintenant, mais il faut venir nous chercher. Juste au demi-palier au-dessus. Depuis deux jours, depuis la tuerie de l'école juive, une centaine d'hommes surveillent le domicile de Mera. Une caméra a été installée devant l'immeuble. Le mardi matin, ils ont la confirmation que Mohamed est chez lui. L'imposant dispositif des forces de l'ordre laisse alors la place à l'unité d'élite de la police nationale du RAID. Elle décide d'attendre la nuit pour intervenir et le cueillir en plein sommeil. Sauf qu'à 3h12, lorsque la première colonne d'intervention du RAID s'approche de l'appartement, Mera ne dort pas. Et pour cause, il vient de rentrer chez lui, de retour d'une petite virée nocturne. Incroyable, voire extravagant, encerclé par une armada de policiers, il est parvenu à sortir de chez lui. Dehors, il rend visite à une amie, puis poste une enveloppe à destination de la chaîne Al Jazeera. À l'intérieur, une clé USB contenant un montage de 25 minutes de ses crimes. Avant de rentrer chez lui, il tente de joindre différents médias pour revendiquer les attentats. C'était Bakalondo, journaliste de guerre à France 24, qui décroche. C'était clairement un jeune homme d'une vingtaine d'années. C'était une heure du matin. Je me suis dit, c'est un garçon de 16 ans qui a pas mieux à faire. Mais avec ces détails, effectivement, je me suis dit, bon, c'était très sincère. Quelqu'un qui était vraiment convaincu par ses dires, même avec son voix de petit écolier. L'effet de surprise des hommes du RAID tombe à l'eau. Lorsqu'ils essaient de forcer la porte du tueur, Mohamed Mera ne dort pas. Oh que non, il est prêt à en découdre. Il a enfilé son gilet pare-balles et a rechargé ses armes. Et il tire à vue. Deux policiers sont grièvement blessés. Il hurle, j'en ai pas assez tué, je suis le messager d'Allah. L'opération commence mal et c'est le début d'un fort chabrol qui va durer plus de 32 heures. 32 heures que la France entière va suivre en direct sur les chaînes d'information en continu. Le 21 mars 2012, le bruit médiatique de l'affaire Mohamed Mera a un score jamais atteint, plus que la mort de Ben Laden, l'accident nucléaire de Fukushima ou l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn. Durant ce jour le plus long, les forces du RAID parviennent à échanger avec le forcené une arme contre un talkie-walkie. Le négociateur, Hassan Louban, officier du renseignement intérieur qui connaît Mera de longue date, tente de le convaincre pour qu'il se rende. En vain, dans les derniers instants, il lui confiera « J'aime la mort, comme vous aimez la vie. » Le 22 mars 2012, peu après 11h30, l'assaut prend fin. Privé de contact depuis quelques heures, les policiers décident d'intervenir. Plusieurs déflagrations déchirent le silence dans le quartier et au terme d'une fusillade d'une rare violence, le procureur de Paris, François Molins, annonce la fin du raid et la mort de Mohamed Mera. À 10h30, le raid engage les opérations et va progresser par étapes et par tiroirs jusqu'à parvenir à ouvrir définitivement la porte de l'appartement et à s'engager en progressant sur le balcon. C'est à ce moment... Au moment donc où le raid parvient à faire tout ça, que sentant vraisemblablement le début d'une présence physique dans l'appartement, que Mohamed Merad va sortir brutalement de la salle de bain dans laquelle il s'était réfugié, armé, et tirer sur des policiers à une cadence extrêmement rapide, tellement rapide qu'elle fait penser en réalité à une rafale d'armes automatiques. Il continue en fait à avancer, armé, et à tirer en sautant du balcon, jusqu'à ce qu'il soit atteint mortellement par des tirs en riposte qui sont effectués par les policiers du raid. Chute et fin d'un djihadiste français. Mohamed Mera est parti avec ses secrets, laissant derrière lui une somme de questions sans réponse. Aurait-il pu être arrêté avant sa folle équipée meurtrière? Y a-t-il eu défaillance des services de renseignement? A-t-il agi seul, en loup solitaire, comme on disait alors? Il bénéficie en tout cas d'un environnement favorable et sans aucun doute de nombreux soutiens. Mais à ce jour, il n'y a personne à placer dans le box des accusés. Le grand frère Abdelkader est bien mis en examen, mais les éléments à charge manquent. Mohamed Mera nous laisse en héritage la sidération, les larmes et quelques funestes successeurs, Nemouche, Koulibaly, les frères Kouachi, Abba Aoud. Alors, que faire? Faut-il s'habituer, impuissant? Pour certains, il n'y a rien à comprendre. Pour d'autres, il faut savoir expliquer, non pas pour excuser, mais pour prévenir. Face à la tentation du repli sur soi et de la stigmatisation, le dernier mot revient à Latifa Ibn Ziaten, la mère de Imad, première victime de Mera. En avril 2012, un mois après l'assassinat de son fils, elle crée l'association Imad Insiaten pour la jeunesse et pour la paix, pour venir en aide aux jeunes désœuvrés des quartiers à l'abandon et apprendre à se parler. Parce que la société doit pouvoir se regarder en face, telle qu'elle est, assumer ses fractures et se protéger de ses fractures. Moi, je suis partie sur le lieu où il s'arrêtait la vie à mon fils, où il est tombé. Et après, j'ai pris un taxi, je suis partie dans le site où il habite, ce jeune homme-là. Et les jeunes, vous voyez, ils m'ont répondu très dur. Ils m'ont dit, Mohamed Merah, madame, vous savez pas qui c'est? C'est un héros de l'islam, c'est un martyr. Et quand je me suis présentée devant eux, je vous assure, ils sont devenus tout petits. Et ils disaient, madame, excusez-nous, madame, on est désolés. Je dis, voyez, Merah, il a tué le premier soldat musulman. Il a tué les autres et des enfants. Vous trouvez que c'est un martyr? C'est un héros de l'islam, ça? Ils n'avaient pas la réponse. La seule chose qu'ils m'ont dit, on est perdu, madame. On est abandonné pour la société. Il faut les aider. Parce qu'ils sont français. On ne doit pas les laisser à côté. Non. Et c'est tout de suite. C'est pas après. J'ai perdu le plus cher. J'ai perdu un fils. J'ai perdu un ami. Et je souhaite pas une autre mère qui souffrera comme je souffre moi. C'est pour ça que ça m'a donné ce courage de créer cette association pour aller vers les jeunes. Pour montrer la souffrance qui gît à l'intérieur, je ne veux pas voir leur mère souffrir. Je ne veux pas. Je ne veux pas un autre mère. Geste fauve au milieu de l'arène, on ne relance pas, on essaye de regarder droit dans le soleil. Et ton cœur au labour des lumières, quand l'amour revient à la poussière, on ne se console pas, on s'enraye, mais on regarde droit dans le soleil. Croiser des âmes sans sommeil, l'enfer est myope autant que le ciel. On t'avait dit que tout se paye. Regarde bien droit dans le soleil. Tourne, tourne la terre. Tout se dissout dans la lumière. L'acier et les ombres qui marchent à tes côtés. Dans le parfum des nuits sans pareil et l'éclat des corps qui s'émerveillent, ses lèvres avaient un goût de miel. On regardait droit dans le soleil. Les serments se dispersent dans l'air et les mots qui retombent à l'envers. On ne sait plus comment ça s'épelle. Regardez droit dans le soleil. Tourne, tourne la terre. Tout se dissout dans la lumière. L'acier et les ombres qui marchent. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Mera et le procès du terrorisme avec nos invités. Ils sont deux. Charlotte Piret, bonjour. Bonjour. Journaliste au service enquête et justice de France Inter, spécialisée dans les dossiers traitant terrorisme. Vous avez couvert tout le procès d'Abdelkader Mera, première instance. Et vous, Antoine Mégy, bonjour. Bonjour. Enseignant-chercheur à l'université de Rouen. Vos recherches portent depuis 2015 sur le procès de ceux qui sont revenus de Syrie ou qui vont revenir, et on y reviendra, si j'ose dire. Vous aussi, vous avez suivi le procès d'Abdelkader Mera en octobre et novembre 2017, et ensemble, avec Charlotte Piret, avec Florence Turm, journaliste à France Culture, et avec Benoît Perruc, dessinateur de presse judiciaire, vous avez écrit un livre, superbe d'ailleurs, intitulé « Chronique d'un procès du terrorisme, l'affaire Mera » aux éditions de La Martinière, en coédition avec France Inter et France Culture. Dans sa préface, Maître Henri Leclerc écrit très justement: l'ouvrage est à la fois éducatif comme une thèse, informatif comme un reportage et passionnant comme un roman. Voilà. Donc je le conseille, j'en conseille la lecture à tous nos auditeurs. Vous venez d'entendre donc le récit du rappel des faits et des crimes commis par Mohamed Mera. Vous avez suivi tout le procès de son frère aîné Abdelkader Mera, accusé de complicité d'association de malfaiteurs et de complicité d'assassinat avec un autre accusé, Feta Malki, ami d'enfance de Mohamed Mera. Nous reviendrons également sur ce cas. Je suis un peu long, mais je veux contextualiser ce qui se passe en ce moment par rapport à ce que nous avons raconté. Nous sommes donc aujourd'hui entrés dans une nouvelle phase judiciaire, le procès d'Abdelkader Mera en appel, qui s'est ouvert le 25 mars. Je rappelle qu'il avait été condamné à 20 ans de réclusion pour le premier chef d'accusation, celui d'association de malfaiteurs, et acquitté du second chef, celui de complicité d'assassinat. Ce procès en appel est prévu jusqu'au 18 avril 2018. Charlotte Piret, l'enjeu, je sais que vous ne suivez pas le procès en appel, je vous pose quand même la question, puisque vous avez suivi également le procès en première instance, quel est l'enjeu de celui-là? Et vous compléterez, Antoine Mégy. Ce sont exactement les mêmes enjeux que pour le procès de première instance, finalement, puisqu'on rebat les cartes, c'est le principe d'un procès en appel. Tout l'enjeu réside dans le fait de savoir quelle a été et jusqu'où a été éventuellement l'implication d'Abdelkader Mera, donc le frère aîné du tueur. Mohamed Mera n'est plus là pour répondre de ses actes. Il a été tué dans l'assaut du Raid, on l'a entendu très clairement dans ce reportage. Reste à savoir maintenant quel a été le rôle joué par son frère aîné notamment et son ami d'enfance, dans une moindre mesure si j'ose dire, parce qu'effectivement c'est un accusé de deuxième ordre et je ne fais insulte à personne en disant ça. Abdelkader Mera, il apparaît assez clairement qu'il a influencé son frère dans la religion, dans le salafisme, dans les relations, l'entourage qu'a pu avoir Mohamed Mera. Maintenant, est-ce que cela s'est arrêté là? Est-ce que ça a été beaucoup plus loin jusqu'à la préparation des attentats terroristes? C'est toute la question et c'est ce qu'a essayé de décortiquer tout le procès de première instance pour arriver à trancher que oui, il y a bien eu association de malfaiteurs et donc une complicité intellectuelle principalement, mais pas vraiment matérielle et pratique, puisqu'il a été acquitté des faits de complicité. On rebat les cartes et on se repose les mêmes questions pour le procès en appel. Antoine Mégy, vous assistez à ce procès en appel, vous y êtes allé plusieurs fois depuis le début. Oui. Quelle est l'atmosphère, en tout cas par rapport au premier? Ah, c'est une atmosphère qui finalement tend à être un peu similaire à la première expérience judiciaire du premier procès, parce qu'on se retrouve dans la même scène, la même ritualisation aussi, puisqu'on est exactement dans la même salle, avec bien sûr les mêmes accusés, les mêmes familles de victimes. Ce qui change, c'est aussi la cour qui, elle, n'est plus la même. On a une nouvelle présidente, on a des nouveaux avocats généraux, on a aussi des nouveaux avocats des parties civiles. Donc, si vous voulez, on est là un peu entre cette copie de la première expérience judiciaire et puis quelque chose qu'on ne peut pas anticiper, puisque une audience a toujours sa vérité. Elle n'a commencé que depuis quelques jours et on sent déjà des points de différence, des points de convergence. Maintenant, le droit reste, lui, toujours le même, à savoir toujours de pouvoir démontrer s'il y a bien eu à la fois participation à une entreprise terroriste et si cette participation s'est accompagnée en plus d'une participation et d'une complicité aux actes commis par Mohamed Mera. Est-ce qu'on a une photographie, un instantané de la société française telle qu'elle l'est aujourd'hui à travers les parties civiles, les victimes, les familles de victimes? Est-ce qu'on ressent ça? Qui veut répondre à ça? Ce qu'on ressent clairement, en tout cas dans ce procès, et c'est aussi pour ça que nous on a choisi d'en faire un livre et d'inscrire ça quelque part dans une certaine pérennité, c'est que l'affaire Mohamed Merah et Abdelkader Merah possèdent tous les prémices de ce que vont être les attentats et les futures affaires judiciaires qui vont suivre. C'est exactement la matrice. Il y a tout. Il y a dans le procès, il y a l'absence du principal accusé puisqu'il est mort. Il y a les premiers départs. Alors c'est pas la Syrie à l'époque, mais voilà, sur les camps djihadistes, il y a la radicalisation qui se fait dans le cadre d'un quartier, la manière dont ça se passe, les milieux qui sont concernés, le décrochage de quelqu'un comme Mohamed Merah qui a été battu, qui a été, on l'a entendu d'ailleurs dans le reportage, et ça a été très longuement évoqué lors du procès. Voilà, on a énormément d'éléments qui sont quasiment tous là et qui donnent aussi des éléments d'explication sur ce qui va arriver plus tard. Donc oui, d'une certaine manière, c'est une photo de la société française de 2012 et de celle qu'on connaît encore aujourd'hui, avec des attentats encore qui surviennent encore malheureusement. Puisque vous vous emmenez sur ce terrain et vous avez raison, vous nous dites qu'il y a des choses qu'on ne voulait pas voir, peut-être qu'on ne voulait pas voir à l'époque, on ne voulait pas voir que ça pouvait être la matrice d'une croisade djihadiste, Antoine Mégy. Et il y a quelque chose quand même qui est assez choquant quand on écoute le récit, par exemple, c'est l'enjeu politique. On rappelle quand même qu'on était à 3 mois de la présidentielle, que parfois les hommes politiques et même les Français ont donné l'impression que l'enjeu principal c'était la présidentielle presque, mais à qui profite le crime? On n'a pas voulu voir que finalement c'était pas important, que l'important c'est ce qu'avait fait Merah, ce qu'il pouvait entraîner. On s'est quand même lourdement trompé hein, en 2012. C'est aussi... Et ça crée un malaise, je trouve. C'est aussi le rôle du contexte. Alors, pas comme une boîte noire, mais du contexte, c'est-à-dire de l'époque. On est effectivement en pleine campagne présidentielle. On se trompe d'enjeu. On se trompe certainement d'enjeu parce que tout le monde est focalisé sur cette guerre qu'on appelle une guerre de façon politique, hein, cette guerre entre des candidats, notamment... avec les expériences de la fin des années 2000 autour de la question de la sécurité et de l'insécurité qui ont été centrales, notamment dans des élections avec l'arrivée du Front National au second tour. Donc effectivement, il y a le contexte des attentats et c'est là tout l'intérêt aussi et toute la valeur du moment judiciaire. C'est qu'on sort du contexte des attentats pour essayer de trouver une forme de sérénité entre guillemets, grâce justement à la justice. C'est le rôle aussi de cette justice. C'est de pouvoir reposer ces questions dans un contexte complètement différent. Où là, véritablement, et en première instance comme en deuxième instance, on a eu ces témoignages, on voit très bien que l'enjeu, c'est pas l'enjeu du politique, c'est l'enjeu finalement de l'organisation des services de sécurité. Alors bien sûr, ça doit s'insérer dans un contexte politique particulier, celui des réformes des services de sécurité, avec la volonté d'une centralisation et le développement de ce qu'on va appeler la surveillance technologique au détriment d'une surveillance humaine. Donc là déjà, on a quand même une dimension de politique de surveillance. Maintenant, pendant les audiences, on voit bien que l'enjeu politique est ailleurs. Oui. L'enjeu politique n'était pas présent. Ce qui était présent, c'était véritablement la question de l'organisation des services de sécurité. D'accord, mais la thèse du loup solitaire, elle peut vouloir dire, mais non, c'est juste le crime d'une personne, ça n'est pas le crime d'un système, ça n'est pas le crime d'une politique. C'est l'exemple le plus flagrant, en fait, pour illustrer ce que vient de dire Antoine, c'est que la thèse du loup solitaire, quand elle sort en 2012, elle est là politiquement pour rassurer. Voilà. C'est beaucoup plus. La France est dans un état de sidération. C'est la première fois depuis fort longtemps qu'on a des attentats sur notre sol, d'une horreur extrême, l'école juive, mais également les militaires, bien sûr. Et donc, c'est forcément beaucoup plus facile et beaucoup plus rassurant de se dire que c'est le fait d'un seul homme et qu'il a été neutralisé et que c'est terminé. Judiciairement parlant, la théorie du loup solitaire, elle prend une toute autre dimension. C'est de savoir à quel moment est-ce que s'il était solitaire, il peut avoir deux accusés dans le box qui sont passibles d'être condamnés pour complicité ou pas. Et donc, on a des mêmes termes et un même enjeu qui sont regardés et analysés de manière totalement différente en 2012 du point de vue très politique et du point de vue judiciaire et du point de vue du droit au moment des procès en première instance et en appel. D'autant plus important que cette théorie du loup solitaire, elle va être instrumentalisée ou non dans le cadre des élections présidentielles, mais elle est aussi utilisée par les services dans une sorte de vision assez naïve, finalement de ce que représentent ces engagements de jeunes Français dans ce qu'on va appeler plus tard le djihadisme. Le djihad. C'est-à-dire que on a l'impression aussi que finalement cet engagement il se fait personne par personne, alors qu'en réalité, et c'est ce qu'on découvrira en tout cas dans l'espace public à partir de 2015, on a une réalité tout autre. On a un phénomène social jamais connu, à savoir qu'on a plusieurs milliers de jeunes Français et Françaises qui sont prêts à aller faire la guerre ou même à mourir sur le territoire au nom de leur idéologie. Charlotte Piret, rappelez-nous ce que risque Abdelkader Merah s'il est reconnu coupable de complicité. Je crois que c'est alors, la même peine que... Alors c'est quoi L'enjeu, donc il a été condamné en première instance à 20 ans de réclusion criminelle pour les faits d'association de malfaiteurs terroristes. C'est la peine maximale qu'il encourt devant une cour d'assises. C'est donc la même qu'il encourt devant la cour d'appel. S'il est cette fois condamné de complicité, ce qui n'a pas été le cas en première instance, il encourt la réclusion à perpétuité, puisque le principe en droit français, c'est qu'on encourt la même peine pour complicité ou d'un crime ou pour le crime en tant que tel. Voilà, clairement défini l'enjeu pénal. Voilà. On va revenir une minute sur ce qu'on appelle la complicité intellectuelle et notamment familiale. Au micro de France Inter, l'un des frères de Mohamed Merah, Abdelghani Merah, il s'agit pas d'Abdelkader, mais Abdelghani, est revenu sur ce terreau familial. Il est interrogé alors que s'ouvre au même moment le procès d'Abdelkader. Il témoignera aussi d'ailleurs durant ce procès-là. On l'écoute. Dans la famille Merah, il y avait un terreau fertile à la haine. Nos parents nous ont essayé de nous éduquer à travers le traumatisme post-colonial entre la France et l'Algérie. Aussi la haine du juif, soit par les idées des complotistes ou par rapport au conflit israélo-palestinien. Et comme je dis souvent, Mohamed Merah, à ce moment-là, il a baigné dans tout ça. Il a été une bombe et les salafistes, Olivier Corel, Sabri Sid et Fabien Klein ont été le détonateur de cette bombe. Votre frère Abdelkader aussi a été un détonateur ? Oui, il a fait partie du lot, c'est sûr. Ils ont envoyé Mohamed Merah faire des choses qu'ils n'avaient pas envie de faire, ou parce qu'ils savent qu'une fois que tu tues au nom de cette doctrine, ils savent que le bout du chemin, c'est la mort. Charlotte Piret, c'est vous qui l'aviez interviewé. Oui, tout à fait, c'était juste avant le procès. Au micro de France Inter, c'était à votre micro. Voilà. Ce qu'explique Abdelghani et ce qui a été très clairement révélé lors du procès, c'est ce climat nauséabond dans lequel a grandi Mohamed Merah. C'est un climat ultra violent. Les fils battaient leur mère, se battaient entre eux, beaucoup d'alcool très jeune, etc. Mohamed Merah a été en prison également. Voilà. Donc on est dans un contexte et qu'on connaît d'ailleurs dans les schémas de beaucoup de terroristes après. C'est un contexte très délinquant et puis la bascule dans une idéologie, etc. Et donc vers l'islam radical et ensuite vers le terrorisme. Vraiment, on voit les prémices de cette violence, ils sont clairement posés dès le plus jeune âge de Mohamed Merah, qui est placé en foyer, etc. Ensuite, toute la question est de savoir quel rôle a effectivement joué son frère aîné, Abdelkader. Est-ce que c'est lui qui est à l'origine de toute la radicalisation de Mohamed Merah ou pas ? Et est-ce qu'à un moment donné, l'élève n'a-t-il pas dépassé le maître en allant lui-même programmer ses attentats ? C'est toute la question de ce procès. Antoine Méry. D'autant que les procès du terrorisme se structurent autour d'une infraction particulière, celle de l'entreprise terroriste. Oui. Et lorsqu'on parle d'entreprise terroriste, on parle de deux choses, à la fois d'une infraction dite collective, ce qui définit un groupe, et également de l'intentionnalité. Et c'est sur cette question-là, justement, que le procès, en première instance, a souligné la participation d'Abdelkader Merah à ce qu'on appelle la radicalisation et l'engagement violent de son frère. Dans quelle mesure les discours, la circulation de propagande, voire les débats et les rencontres avec ce qu'on a appelé la nébuleuse toulousaine autour de quelqu'un comme Corel, n'a pas participé à cet engagement de oui. Mohamed Merah. Et d'un point de vue du droit, cette anticipation, cette participation, elle peut faire l'objet d'une accusation. Donc c'est là la spécificité de l'entreprise terroriste. C'est qu'il y a la possibilité d'avoir des faits matériels, mais ça a été très clairement dit dans le premier procès, c'est aussi l'intentionnalité et l'aide à l'engagement qui est punie dans cette infraction. Alors là-dessus, on a un débat doctrinal, hein, oui. Un débat judiciaire entre des avocats qui disent à ce moment-là, vous jugez des bibliothèques. Oui, ben oui. Et puis des complicités intellectuelles. Mais ce n'est pas nouveau dans les procès des années 70 en Italie. On a aussi jugé des intellectuels pour avoir justement diffusé une forme de propagande dans les années de plomb, effectivement, autour des groupes des Brigades Rouges. Lorsqu'on parle des procès de la fin du 19e siècle, des grands procès anarchistes, notamment le procès des 66 à Lyon, on a à la fois des personnes qui sont accusées pour avoir diffusé des tracts, pour avoir participé à des actes de violence, et puis on a les intellectuels qui sont également accusés de participer à cette propagande par le fait. Donc on voit bien ici la spécificité de l'acte reconnu comme terrorisme, c'est qu'il y a l'action violente, mais il y a aussi l'idéologie et ceux qui la produisent. Alors ça nous emmène sur une vraie question, je disais tout l'instant, pour notre justice et donc pour notre démocratie. Comment va-t-on juger ceux qui sont revenus du djihad en Syrie ou ceux et celles qui reviendront? Antoine Mégy, vous travaillez sur ce dossier-là, il est important. Comment prendre les choses? Parce que ça paraît une montagne quand même. Alors la montagne, elle est déjà en train d'être escaladée, parce qu'on n'a pas attendu en fait. Depuis 2015, on a ce que les autorités judiciaires appellent une massification des audiences, donc des procédures de poursuite des personnes qui ont voulu partir ou qui sont revenues, parce qu'on poursuit aussi ceux qui ont aidé à partir et ceux qui ont eu des velléités de partir, notamment toujours dans ce cadre de l'association de malfaiteurs terroristes. Donc on a une augmentation sans précédent. Oui, je dis ça depuis la chute apparemment réelle, faut être prudent, mais de Daesh, restons prudents, forcément il va y avoir plus en plus de gens qui vont revenir et qu'il va falloir juger. Alors pour l'instant, les gens ont fait revenir certaines personnes, mais les autres, on les laisse juger. Hein, c'est en tout cas la politique étrangère qui a été décidée par le président de la République et par le ministère des Affaires étrangères, c'est de laisser juger notamment les hommes dans un pays comme l'Irak. Mais il y en aura quand même en France, parce qu'il y a à peu près une cinquantaine d'audiences criminelles qui sont prévues pour l'année 2019-2020. Donc effectivement, on va juger les revenants, on va juger aussi des fantômes. Parce qu'on juge aussi des personnes qui sont présumées mortes, mais dont on ne sait pas véritablement, ou dont on a peur, finalement, qu'elles reviennent. Donc, on voit que la justice est face à une épreuve particulière, celle de définir une politique pénale face à une situation sociale inédite, plus de 2000 personnes parties sur des zones de combat. Et parmi les définitions qui ont été choisies, il y a notamment celle d'avoir criminalisé les choses. C'est-à-dire que, pour parler clairement, on a jugé des revenants au tribunal correctionnel, donc avec une peine maximale de 10 ans encourue, parce que on pouvait laisser pendant tout un temps le bénéfice du doute finalement à ceux qui étaient partis rejoindre Daesh, puisque certains se revendiquaient d'y aller pour des raisons humanitaires, sauver les enfants de Bachar al-Assad, etc. Et donc, ces personnes-là étaient jugées devant un tribunal correctionnel. Après la vague d'attentats de 2015, la justice française a décidé de criminaliser, donc de faire passer devant une cour d'assises avec une peine de 20 ans de réclusion encourue, toutes les personnes qui revenaient, parce qu'on estimait qu'après 2015, après les attentats qui avaient eu lieu sur notre sol, on ne pouvait plus dire qu'on ne savait pas quelle était la réalité et quelle était l'idéologie mortifère prônée par Daesh. Donc il y a déjà un changement qui s'est fait du fait de cette temporalité-là. Et donc on a eu une massification, comme le disait Antoine, de procès de correctionnel, et on va au fil des mois, et ça a déjà commencé et ça s'amplifie, avoir de plus en plus de procès aux assises, ce qui n'est pas effectivement judiciairement parlant la même chose, et les peines encourues ne sont pas les mêmes. Antoine Mégy, le sens des peines, c'est le titre d'un texte écrit dans votre livre. Que voulez-vous dire maintenant dans le sens des peines? Parce que évidemment, juger, ok, condamner, d'accord, mais quel sens prend la peine? Finalement, c'est presque tout l'enjeu de cette situation. Parce que le sens des peines, c'est celui qui s'inscrit dans une idée que l'on doit punir les personnes coupables, mais qu'on doit aussi réussir à les réintégrer au sein de notre société. Or, c'est peut-être là que va se faire cette épreuve de la justice, c'est qu'aujourd'hui la question se pose, et on voit bien dans les déclarations politiques, dans les prises de position, la déclaration se pose de savoir si notre société, ou en tout cas ses représentants politiques, accepte ce retour. Et oui. Et là, on a cette figure du djihadiste, du revenant, qui viennent finalement mettre de côté la réalité des histoires personnelles et individuelles, une forme de déshumanisation de ces personnes. Et c'est la question de comment ces personnes vont pouvoir être réintégrées dans une société. Derrière le mot djihadiste, derrière le mot revenant ou revenante, il y a des réalités très différentes dans l'engagement. Il y a des repentis aussi. Il y a des repentis, mais la question, elle est, et ça a été cité dans le reportage tout à l'heure, c'est, disent-ils la vérité ? Oui, aussi, bien sûr. La fameuse taqiya. La fameuse taqiya qui devient une sorte d'impasse, finalement. Et stratégie, en tout cas. Et de stratégie à la fois pour ceux qui veulent la faire, ouais, et à la fois aussi pour les autorités qui n'ont pas confiance. Absolument. Merci infiniment, Charlotte Piret. Antoine Mégy, encore une fois, ce livre-là, à lire absolument, chronique d'un procès du terrorisme aux éditions La Martinière, et éditions France Inter et France Culture. Madame, monsieur, merci. Au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le dossier Mohamed Merah, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr, et merci à Philippe Duclos qui était à la technique aujourd'hui.